بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc on a essayé précédemment d'établir la fausseté de la voix des Murji'a et leur opposition profonde à la vérité et aux preuves du Coran de la Sunna et à la compréhension du véritable tawhid de la réalité de l'islam. L'une des plus grandes ambiguïtés des Murji'a, l'une des plus grandes ambiguïtés de leur cheikh à notre époque, de leur chouyouk à notre époque, particulièrement l'Albani, et ses élèves et ceux qui le suivent, c'est le fait qu'ils considèrent, ils vont jusqu'à considérer que si une personne déclare la ilaha illallah Muhammad Rasulullah par sa langue et prétend appartenir à l'islam, et qu'elle prononce des paroles de kufr claires sans aucune ambiguïté, ou qu'elle commet des actes de mécréance clairs sans aucune ambiguïté, elle ne sort pas de l'islam, jusqu'à ce qu'elle renie par son cœur, ou qu'elle rende permis l'acte, c'est-à-dire qu'elle fasse istihlal de l'acte de kufr. Le Coran dément cette prétention par le verset que nous allons citer maintenant, surat Tawba, surat 9, verset 65-66, lorsqu'Allah a dit « Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, inna afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujirimin. » Donc Allah dit, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah de ces versets, de son messager que vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bien mécru, aqad kafartum, ba'da imanikum, après avoir eu al-iman. Ce verset-là, il est descendu sur un groupe de musulmans revenant de la bataille de Tabouk avec le prophète. Et ils se sont moqués du prophète par ces termes, comme c'est rapporté dans le livre de Tafsir et dans le livre de Hadith, que ce soit un Tafsir ibn Kathir, ibn Jarir ou d'autres, comme quoi ils ont dit, en parlant du prophète et ses compagnons, « Ma ra'ayna mithl qurra'ina ha'ula, arghaba butunan, wa la akthiba alsinan, wa la ajbana inda al-liqa. » Nous n'avons pas vu comme nos lecteurs du Coran, c'est-à-dire le prophète et ses compagnons, avec des gros ventres, des langues menteuses et lâches lorsqu'ils rencontrent l'ennemi au combat. Ils se sont moqués. Allah Azzawajal a fait descendre ces versets qui seront lus et récités jusqu'au jour de la résurrection, comme quoi ces gens ont mécru après avoir eu l'Iman. Ils ont mécru par cette parole-là. Comme dit Ibn Taymiyyah dans Kitab al-Iman, ils savaient que cette parole qu'ils prononçaient était une parole interdite, mais ils ne savaient pas qu'elle est sortie de la religion. Et malgré tout, Allah Azzawajal a fait descendre ce verset, « Qad kafartum » vous avez mécru, après avoir eu l'Iman. Ils n'étaient pas des hypocrites qui cachaient leur mécréance et qui prétendaient avoir la foi. C'était des gens qui avaient l'Iman et qui ont mécru par cette parole. C'est la preuve qu'une simple parole dit sur le ton de la plaisanterie, si elle comporte de la mécréance claire, elle fait sortir de l'islam. C'est ce qu'ont dit les ulama. Comme a dit Ibn al-Arabi, à ne pas confondre avec le soufi Ibn al-Arabi, ça c'est Al-Qadi, Abu Bakr Ibn al-Arabi, Al-Maliki, dans son livre de Tafsir, lorsqu'il a dit « Al-Hazl bil-kufri kufrun » Et le fait de plaisanter avec la mécréance est en lui-même de la mécréance. C'est-à-dire qu'une personne qui dirait en plaisantant « je renie l'islam », je cite sa parole, cette personne-là est considérée comme mécréante. Il faut qu'elle revienne à l'islam. Il faut qu'elle se repentisse, qu'elle redise le témoignage de foi, qu'elle renie cette parole-là, et certains éléments ont dit, et qu'elle fasse le rusl, qu'elle se considère comme étant revenue en islam. Donc clairement, le Coran s'oppose à ces prétentions-là. L'une des grandes ou des deux grands problèmes ou des deux grandes batailles qui ont actuellement entre les Murji'a et les gens du Tawhid sont sur deux sujets que nous allons citer maintenant. Le premier, c'est le fait qu'une personne qui se prétend musulman, qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qui peut faire la salat éventuellement s'il y a des caméras, mais qui combat la charia, l'annule complètement et remplace la charia totalement par des codes de loi humains qu'il lui-même a forgés ou que ses ancêtres dans la mécréance ont forgés, ne sort pas de l'islam jusqu'à ce qu'il renie l'acte dans son cœur. C'est exactement la même ambiguïté qu'on vient de citer qui a été annulée par le Coran. Allah Azzawajal a le droit de légiférer. Allah dit dans Surat Yusuf, « Inil hukmu illa lillah ». Certes, le jugement n'appartient qu'à Allah. « Al hukmu » c'est « al-tashri' », le fait de faire qu'une chose soit obligatoire, interdite, licite ou illicite. Cette chose-là n'appartient qu'à Allah. C'est Allah seul qui a le droit de faire ça. Allah dit dans Surat Al-Kahf, « وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا » Et il n'associe personne à son jugement, à son hukm. Donc, l'association à Allah dans le hukm existe. Et Allah dit dans Surat Al-Nisa, « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ » Et non par ton Seigneur, ils n'auront pas l'iman, ils ne croiront pas. Il a juré, Allah Azza wa Jalla a juré par lui-même, ils ne seront pas croyants. Hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum, jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge, toi Mohammed, et ta législation, dans ce à quoi ils sont en divergence. Thumma la yajidu fi anfusim haraja mimma qadayt, et qu'ils ne trouvent pas de gêne en eux-mêmes de ce que tu as décidé. Wa yusallimu taslima, et qu'ils se soumettent en toute soumission. Voilà la condition de l'iman, le fait de prendre le prophète comme juge. Toute personne qui prend la démocratie comme juge, ou qui prend un mécréant comme juge, ou qui prend les lois dites positives comme juge, ou le code pénal comme juge, cette personne-là n'a pas d'iman. Il a pris pour juge le tarot et sa foi est démentie. C'est ce qui nous montre l'égarement des murji'a sur ce point-là. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est les paroles des ulémas qui disent que si un juge qui juge avec la sharia, dans un cas précis, parce qu'une personne lui donne de l'argent, ou par faiblesse, n'applique pas l'une des sanctions de la charia. Par exemple, s'il trouve qu'une personne de sa famille a volé, il ne lui coupe pas la main, comme c'est prévu dans la charia, dans la sourate 5, sourate al-Ma'ida. S'il n'applique pas cette loi, mais qu'il sait qu'il fait un péché, cette personne-là ne sort pas de l'islam. Il a fait une mécréance moindre, un des pires grands péchés. Cette chose-là, on est d'accord avec eux. C'est le sens des paroles d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim, d'Al-Qurtubi, de tous les Mufassirim. Mais le fait d'annuler complètement la sharia ou de s'approprier le droit de légiférer en dehors d'Allah Azza wa Jal, aucun alim mu'tabar, aucun savant de qui on prend la science, n'est en divergence comme quoi cet acte-là en lui-même est du shirk akbar qui fait sortir de la religion. Le fait de s'approprier le droit de légiférer ou le fait d'annuler complètement une des sanctions de la sharia. Par exemple, le fait de couper la main du voleur, le juge ne l'applique jamais. C'est déjà du kufr. Ta'atil, ça veut dire stakbara, il s'est enorgueilli de cette chose-là. Wa'arada anhu, et il s'est détourné complètement de cette chose-là. Si, en plus de cela, il la remplace par une loi autre que celle d'Allah, une autre législation, tabdil, alors ça, c'est du kufr selon l'unanimité de ulama, et celui qui prétend que celui qui légifère avec Allah n'est pas un kafir, lui-même, on doute de son islam. Lui-même, c'est à lui qu'on devrait poser la question de l'islam d'une telle personne. Cette situation montre clairement que les murji'a, comme l'ont dit certains salafs, al-irja dinun yuhibbuhu al-muluk. Al-irja est une religion que les rois aiment. C'est une parole de certains salafs. Al-irja, c'est la religion des rois. C'est-à-dire qu'ils vont promouvoir cette religion. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des gens qui vont les défendre, qui vont prétendre leur islam et qui vont les défendre contre les muwahhidines. À notre époque, l'irja sert à quoi ? À défendre clairement, et ils se mettent entre les mécréants de toutes les sortes possibles, et les gens du tawhid, qui, en suivant le chemin des prophètes, appliquent le jugement d'Allah sur ces gens-là, en les considérant comme étant des mushrikines, des kuffars ou des murtaddines, des apostats, et ils se mettent comme obstacle entre eux et la vérité, et l'application du jugement d'Allah sur ces gens-là. Une autre question, c'est la question de l'alliance, al-mu'ala. Le fait que si une personne qui se prétend de l'islam combat dans les rangs des mécréants ou aide un mécréant contre les musulmans, cette personne-là est un kafir. À l'unanimité des savants, même s'il prétend être musulman, qu'il prie, qu'il jeûne, etc., etc. La preuve de cela, les preuves sont nombreuses dans le Coran. La principale preuve, c'est le verset 51 de la sourate 5. « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ » فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, il parle des juifs et des chrétiens, mais les mains ont dit que c'était un verset général sur toutes les sortes de mécréants. Et celui qui les prend pour alliés, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, il est parmi eux, ou il fait partie d'eux. Donc toute personne qui prend un kafir, n'importe quelle cause de kufr, c'est-à-dire que ce soit un kafir asli, mécréant de base, juif, chrétien, mage, hindou, ou que ce soit un kafir murtad, que ce soit un mécréant apostat, c'est-à-dire qui a renié l'islam, ou qui prétend appartenir à l'islam tout en étant mécréant, qui le prend comme allié contre les musulmans ou contre l'islam, cette personne-là est sortie de l'islam, c'est un kafir. Que sa barbe atteigne son nombril, que son turban fasse trois fois sa tête, qu'il s'appelle cheikh un tel ou quoi que ce soit, cette personne-là est sortie de l'islam. S'il prend pour allié les mécréants, s'il se met dans l'armée des mécréants contre les mouahidines, qu'il les combat par la langue, par la main, ou quoi que ce soit, cette personne-là est un kafir. « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » Ibn Hazm a dit ce verset « عَلَى ظَاهِرِهَا » selon son sens apparent. Ce que reprochent les Murji'a aux gens du Tawhid à notre époque, c'est un, le fait de donner les définitions que nous venons de donner de l'iman, de l'islam, du Tawhid, etc., etc. Et d'appliquer ces choses-là. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans certains de ses livres, il cite, il dit, il est absurde qu'une personne considère, par exemple, le fait de s'orienter vers la Qibla comme étant une des conditions de la salat, et ensuite il voit les gens, une personne en train de faire la salat en étant dos à la Qibla, en ayant la connaissance qu'il est dos à la Qibla sans être aucune excuse, et qui considère que la prière d'une telle personne est juste. Non, cette personne-là, si elle croit réellement que le fait de s'orienter à la Qibla est une condition de la salat, elle doit considérer que sa prière est batila, sa prière est nulle et vaine. Pareil pour l'islam. Si les personnes qui disent et qui nous parlent et qui nous disent que oui, la science est une condition de la ilaha illallah, et la ilaha illallah des conditions, la ilaha illallah des annulations, comme on le trouve chez certains savants des Murji'a, mais qui ensuite refusent d'appliquer ces règles-là dans l'implication pratique en disant oui, si une personne ne dit la ilaha illallah mais ne sait absolument pas que la ilaha illallah, ça veut dire n'adorer qu'Allah, renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, prendre comme allié les croyants, prendre comme ennemi les mécréants, s'abstenir de faire la mécréance, etc., etc., ignore toutes ces choses-là. Et qui disent non, mais on ne peut pas le considérer mécréant parce qu'il prétend appartenir à l'islam, parce qu'il dit la ilaha illallah, c'est qu'il ne croit pas réellement que la science est une condition de la ilaha illallah. De même, s'il pense réellement, il nous dit oui, moi je considère que celui qui invoque un autre qu'Allah, dans ce que seul Allah peut exaucer, qui adore les tombes, qui sacrifie pour les morts, qui adore les gens de la famille du prophète comme les chiites, il dit oui, je considère que ça c'est du shirk akbar. Qui ensuite voit une personne faire ces actes-là, mais dit non, non, il dit là, il est là, je ne peux pas dire qu'il est mouchrik. Cette personne-là ne pense pas réellement que ces actes-là sont du shirk akbar, sinon il appliquerait le jugement d'Allah sur cette personne-là. Donc, ces gens-là sont des menteurs et c'est des prétentions. C'est des paroles qu'ils disent comme ça, je ne sais pas, pour avoir la bénédiction de suivre des gens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et les savants de la sunna, mais en tout cas ils ne croient pas réellement à ce qu'ils disent, sinon ils appliqueraient le jugement d'Allah sur ces gens là tout ce qu'on vient de dire, on peut trouver une illustration dans la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On va en citer quelques unes. Dans son épître Kashf al-Shubuhat, le dévoiement des confusions, il dit rahimahullah ta'ala fanaqul la khilafa anna at-tawhida la budda an yakun. Nous disons, il n'y a aucune divergence dans le fait que le tawhid doit être bil qalb wal lisan wal amal, par le cœur, la langue et l'acte. Fa in ikhtalla shay'un min hadha, si jamais une de ces choses-là vient à manquer, lam yakun ar-rajul muslima, l'homme ne sera pas musulman. Clairement, la parole du cheikh, il n'y a pas plus clair, il annule complètement la croyance des Murji'a. Et il continue, il dit فَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ, si il connaît le tawhid et qu'il n'agit pas selon celui-ci, فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ, c'est un kafir obstiné, مُعَانِد كَفِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ وَأَمْثَالِهِمَا, comme Pharaon et Iblis et d'autres que. Ensuite il dit فَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدِ عَمَلًا ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَفْهَمُهُ أَوْ لَا يَعْتَقِدُهُ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ, si jamais il agit selon le tawhid, des actes apparents, mais qu'il ne comprend pas ce tawhid et qu'il ne croit pas réellement à ce tawhid, c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Wa huwa sharru min al-kafir al-khalis, et il est pire que le kafir al-khalis, le kafir pur. Innal munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar, dans sourate Nisa, lorsqu'Allah a dit certes, ce qui signifie certes, les hypocrites sont dans le plus bas niveau du feu. Et il dit à propos de ceux qui refusent de rendre aux mécréants ce qui est associé avec Allah, il prend un exemple. On va expliquer ces exemples-là et on va citer plusieurs exemples. Pour dire que si une personne se prétend appartenir à l'islam, mais fait un acte de mécréance, quel qu'il soit, il est considéré comme apostat par les gens du tawhid et il doit être combattu si la capacité est établie. Et que, c'est-à-dire ce que les Murji'a à notre époque considèrent comme étant la religion des Khawarij. Quand on leur dit une chose comme ça, ils disent vous êtes des Khawarij. Qui a fait cela? Il est venu dans le Bukhari, selon Abu Huraira, qui a dit lamma mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kafara man kafara min al-Arab. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, et qu'a mécru ceux qui ont mécru parmi les Arabes. On sait qu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu l'apparition de l'apostasie, ridda. Les ulama comme Al-Khattabi et d'autres, Nawawi ibn Hajar, citent comme quoi l'apostasie à l'époque de Abu Bakr, donc lors du califat d'Abu Bakr, était de trois sortes. Un groupe, lorsque le prophète Mohammed est mort, a dit s'il était prophète, il ne serait pas mort. Donc ils ont renié complètement l'islam. Un groupe a dit nous sommes dans l'islam, nous croyons au prophète, tout ça, mais nous refusons de donner la zakat. Pourquoi? Parce que la zakat, on doit la donner qu'au prophète, ils sont basés sur le verset, un ta'wil, etc. D'autres, ils ont dit non, ils ont simplement refusé la zakat. Un troisième groupe, ils ont dit nous, on dit que Mohammed, il croit la vérité. La ilaha illallah, Mohammed Rasulallah. On fait la salat, on fait tout. Mais on dit que Musaylima al-Kadhab, Musaylima, est prophète et associé à la prophétie de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Musaylima al-Kadhab, ils n'ont pas dit seulement ça. Musaylima al-Kadhab, il a envoyé quelqu'un voir le prophète, puis il l'a fait revenir, et il l'a fait mentir devant les gens en leur disant « Oui, c'est vrai, j'ai entendu le prophète dire que quoi ? Que Musaylima était associé à la prophétie. » C'est-à-dire un hadith da'if. Il leur a fait un hadith da'if. Malgré ces choses-là, les compagnons du prophète, Abu Bakr Siddiq et tous les compagnons du prophète, ont levé les armées et ont combattu ces gens-là, les ont déclarés mécréants, ont combattu ces gens-là, et les ont tués jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et lorsqu'ils ont décidé de se repentir, Abu Bakr les a fait venir et leur a dit « Vous devez témoigner que vos morts sont en enfer et que nos morts sont au paradis. » Pour accepter leur repentir, il leur a fait témoigner de la mécréance de leurs gens. C'est une des preuves de la règle, celui qui ne rend pas les mécréants mécréants, est lui-même un mécréant. C'est l'une des preuves. Avec bien sûr un développement autour de ce règle qui n'est pas à appliquer dans tous les cas, etc., etc. Donc partant de ce point-là, Abu Bakr, il a combattu des gens qui disaient la ilaha illallah, qui disaient Muhammad Rasulallah, même qui faisaient la salat. Il les a considérés comme murtaddin, ils les ont tués, ils ont pris leurs femmes comme butin de guerre, ils ont pris leur argent, et quand ils ont décidé de se repentir, il n'a pas accepté leur repentir jusqu'à ce qu'ils délaissent les armes et qu'ils témoignent que leurs frères étaient des mécréants et qu'ils sont en enfer. La religion des Khawarij. Abu Bakr, il est khariji, c'est un takfiri, voilà ce que c'est, selon la religion des Murji'a. À l'époque de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, les Tatars, les Mongols, ont envahi le monde islamique et sont venus. C'était des gens qui prononçaient la ilaha illallah Muhammad Rasulallah, comme c'est établi dans le volume 28 des fatawas d'Ibn Taymiyyah, plusieurs fatawas de Cheikh l'Islam, en quoi ils prononçaient la ilaha illallah. Parmi eux, il y en avait qui priaient, avec qui priaient, il y en avait qui ne priaient pas. Mais ils appliquaient entre eux une loi qu'ils appelaient l'Yasaq, qui était un mélange de judaïsme, de christianisme, d'islam et des lois de leur roi Genghis Khan. Ils appliquaient ce code de loi entre eux, comme l'a dit Ibn Kathir dans son tafsir, et c'est la cause de leur mécréance, c'est la cause pour laquelle Ibn Taymiyyah a dit on les combat, ils doivent être tués, et on lui a demandé, mais il y a des gens dans leur armée qui sont en état de contrainte, c'est-à-dire qu'ils forcent, hein. Il dit, ils doivent être tous combattus, et Allah Azza wa Jal, les fatawas sont connus dans le volume 28. Ibn Taymiyyah Khariji, selon la religion du prophète, selon la religion des Murji'a. Il a combattu des gens qui disaient la ilaha Muhammad Rasulallah. Certains faisaient la salat, certains étaient contraints carrément. Malgré tout, on voit. De même, Ibn Taymiyyah a rendu mécréant Ibn Arabi, les gens qui le suivent, les gens qui ne le rendent pas mécréant en connaissant la réalité de sa doctrine, comme c'est dans le volume 2 de Majmu' al-Fatawa, et d'autres que cela. Son élève Ibn al-Qayyim appelle les adorateurs de temple les mushrikin dans son livre Ghasb al-Hafan et d'autres que cela. Mohammed ibn Abdul Wahhab, pire. Les gens du Najd pratiquaient la salat, donnaient la zakat, mais ils adoraient les tombes. Ou ils jugeaient entre eux avec les lois des bédouins, qu'ils appelaient Shara' al-Rifaqa, Shara' al-Qahtan. Le suiveur du prophète, hein, puisque c'était vraiment un suiveur du prophète, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, les a appelés à l'islam, leur a appliqué les preuves, ils ont refusé, il a levé des armées, il les a combattus, tous, en les considérant comme étant des mouchriquins. Mohammed ibn Abdul Wahhab, khariji. Donc on voit que clairement, qui aujourd'hui est sur la voie, non seulement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des preuves du Coran, mais des compagnons du prophète, mais des savants de la sunna, les grands savants qui sont reconnus par les gens même qui se disent aujourd'hui salafis, etc., etc. Et leur voix, qui la suit aujourd'hui? Les gens que les gens nomment khawarij, les gens du tawhid. Wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam.